passé un très bel après-midi avec nous. Là, tout de suite, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, la drogue. On avait le monopole de l'opium. L'État vendait de l'opium aux Indochinois. Ça a été comme ça jusqu'à 1945. Conquête, guerre et lendemain qui déchante, une histoire en croissance. Jusqu'au début du XXe siècle, tous les produits étaient en circulation légale dans tous les pays. Avec l'argent de la drogue, les FARC achètent des armes, des munitions, mais aussi des outils de communication qui leur permettent de synchroniser les différents fronts et d'entamer une progression fulgurante. Quand vous stoppez une offre d'opiacés sur un territoire, les gens qui sont dépendants aux opiacés, ils en cherchent des opiacés parce qu'ils n'ont pas le choix. Ben voilà, on a commencé par les hostilités, Christophe Bouquet vient de me dire, hors micro, mais vous avez la mémoire courte mon cher, on s'est déjà croisés. Mais rappelez-moi, rafraîchissez-moi, rafraîchissez-nous Christophe Bouquet. La dernière fois c'était quand La dernière fois, alors quand, je sais plus. Mais ou pour, à quel propos. Pourquoi, voilà, je me souviens, c'était le film qu'on avait réalisé avec Vanessa Ratinier sur le Qatar. Écrit avec Pierre Péan. Et produit par Christophe Nick. Et là, ce film est réalisé, co-réalisé avec Julie Laura, avec qui on a déjà fait un film sur l'Iran, qui a elle-même réalisé un film il y a quelques années sur l'Arabie Saoudite. Et voilà. Alors, j'ai eu l'occasion de découvrir cette somme, parce qu'il s'agit de trois documentaires, qui portent un titre générique. Histoire du trafic de drogue. Histoire du trafic de drogue. Ce qui est assez étonnant, et c'est tout à fait intéressant que vous le mentionné Christophe Bouquet, je vais mettre un vous, évidemment pour vous deux, Julie Leray. Ah oui, on est indissociables. Voilà, même si elle n'est pas à nos côtés, vous allez parler en son nom. C'est la façon dont, finalement, le trafic de drogue, c'est un peu le monde à l'envers, quant à son tout début, puisque c'est par l'État que ça passe. C'est l'État britannique, en l'occurrence, c'est le premier tome de l'œuvre, qui rappelle cette chose importante, c'est que ça passe d'abord par l'État. On viendra dans un deuxième plan après coup sur l'autre ressort important, c'est le ressort industriel. Mais commençons peut-être déjà par l'État. Alors l'État, on parle de l'Empire britannique, hein, qui est dans une course effrénée pour conquérir de nouveaux territoires. Et on est à ce croisement-là entre l'État et le commerce. C'est sur les deux pans que ça se joue. Il n'y a pas une volonté philosophique par rapport à la drogue, il y a juste une volonté d'hégémonie commerciale sur le monde entier. Et il y a un pays complètement fermé au reste du monde, qui est la Chine. Et la drogue va être utilisée pour casser les barrières douanières, pour pénétrer le pays, pour le mettre à terre et pour ouvrir au commerce étranger un tiers de la population mondiale. Et cette frontière franchie, c'est aussi une bascule quant aux usages. Effectivement, on peut dire que depuis la nuit des temps, le pavot et l'opium étaient utilisés en pommade pour soulager le corps de la douleur, apaiser un peu certaines nuits, mais il n'y avait pas d'organisation commerciale, d'industrialisation, de rationalisation du marché. Et c'est vraiment l'Angleterre qui dès 1790, 1810, j'ai pas les dates précises, enfin ça c'est des longues périodes, mais va vraiment utiliser la drogue comme une arme commerciale et gaver des populations qui vont devenir addictives et donc créer un besoin. Ce qui est génial avec la drogue, contrairement aux iPhones et aux autres produits de consommation, c'est que on a toujours envie de consommer, toujours plus. Le drogué est un consommateur extraordinaire pour le capitalisme. Et vous éloignez cela des GSM, Natel et autres téléphones portables. Non, mais il y a quelque chose à évoluer. Il y a toujours une évolution à faire dans les produits. La drogue, elle est là, elle ne changera jamais. La cocaïne, l'héroïne, l'opium, c'est un marché formidable. Même si on va en parler plus tard. Avec beaucoup de cynisme et beaucoup de tristesse à la fois. Hein. Parce que ça touche des millions de personnes qui aujourd'hui sont dans la douleur de vivre, sont considérés comme des délinquants, alors que pour la plupart d'entre eux, ce sont des malades qui ont d'abord été intoxiqués par l'industrie pharmaceutique. On parle de la crise des opioïdes aux États-Unis, qui bascule dans la toxicomanie. Voilà, je suis pas du tout en train de rire de ça et de m'en réjouir, mais effectivement, à la base, il y a une volonté commerciale. Et donc, C'est pas directement l'Empire britannique qui va revendiquer son attaque sur la Chine. Ça va passer par des marchands privés. Et c'est les premiers trafiquants de drogue. Néanmoins, c'est une action géopolitique. C'est une action géopolitique, bien sûr. Concernant l'industrie, puisque vous l'avez mentionné, Christophe Bouquet, ce qui est aussi remarquable, c'est que cette industrie-là qui fait démarrer l'histoire de la drogue, ou tout au moins de certaines drogues, n'est pas du tout une industrie marginale. C'est la chimie dans ce cas-là de plus officiel, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France et tout ça. Et ça, le documentaire le rappelle aussi. Il y a quand même une découverte dans la morphine et dans le pavot qui est extraordinaire. C'est que la douleur cesse. L'humanité, depuis la nuit des temps, c'était son cauchemar. Un de ses cauchemars. Et avec les progrès de l'industrie pharmaceutique, on peut être opéré. C'est le début des anesthésies. Les soins dentaires changent complètement. Les soins oculaires, c'est une marche en avant. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Tout en haut de la chaîne du trafic de cocaïne, en Colombie, la classe politique a fini par lâcher les narcotrafiquants. Sous la pression de la DEA, les criminels qui ont succédé à Pablo Escobar sont traqués. Leurs sociétés écrans sont démantelées. Les arrestations se multiplient. Pour les trafiquants, les sommes perdues sont colossales. Les Colombiens comptent sur leurs transporteurs mexicains pour se renflouer. Ils leur demandent d'augmenter la cadence. La logistique des cartels mexicains est infaillible. En position de force face aux Colombiens, ils imposent une nouvelle division du travail. Les Mexicains arrachent la part la plus risquée et la plus lucrative du trafic, la distribution de la cocaïne aux États-Unis. Les Colombiens se replient sur la production, semant de la coca et faisant tourner leurs laboratoires à plein régime. Ils ne sont plus les donneurs d'ordre. Le règne absolu des cartels mexicains commence. 7 or 14 planes would take off at a time with each load of Christophe Bouquet, quand on entame un projet de trois films, là, on est en train de se voir en ce moment dans un studio de post-synchronisation où les dernières voix vont être posées, c'est-à-dire que le documentaire est encore en fabrication, que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous me l'avez dit, vous avez déjà la gentillesse de vous asseoir un moment pour nous raconter un peu tout ça. Bah, merci d'être là déjà. Mais qu'est-ce que c'est que une histoire pareille? Elle démarre comment? Qui a l'initiative? Racontez-nous ça. C'est du côté de la production, du côté des auteurs, du côté d'une télévision. Bah c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. C'est une fidélisation de producteurs, d'auteurs, de journalistes, de réalisateurs. Et comme je vous disais tout à l'heure, Julie. Tapez pas sur la table en parlant. Julie Lerat avait déjà réalisé un film chez Yami, également de mon côté. Et j'avais réalisé avec Christophe Nick Pierpin et Vanessa Ratigné une série documentaire sur la mafia corse, où était traité déjà l'utilisation de la drogue comme instrument de domination en Indochine et avec la French Connection de lutte contre pendant la guerre froide, quoi. Et alors, quand vous évoquez les événements tels qu'ils ont pu se produire au 18e et 19e siècle, bien évidemment, la pellicule n'est pas encore là. Donc, il s'agit d'aller fouiller pour trouver de l'archive et une manière de raconter. Comment vous y êtes pris? En fait, il faut dire qu'il y a beaucoup d'archives filmées. Il y a beaucoup d'archives filmées, mais le début du film est assez sobre. On a utilisé des gravures d'époque, des peintures. Il y avait. La propagande était déjà utilisée, c'est pas quelque chose qui arrive avec la photographie. Hein. Et voilà, tout était déjà expliqué. Il y avait une certaine fierté aussi à montrer l'Empire britannique avec ses milliers d'hectares, des hangars remplis d'opium. Il y avait comme ça une fierté Après, c'est pas très rigolo pour le spectateur au début d'être face à des gravures qui ne bougent pas, mais on avait envie d'être vraiment dans la réalité historique des documents. Après, c'est sûr, pour un peu amuser l'œil, on a utilisé des fictions, des muettes qui retracent un peu cette épopée de la guerre de l'opium. Mais globalement, sur l'ensemble du film, contrairement à Mafia République sur lequel j'avais travaillé avant, où dans lequel je mélangeais beaucoup plus les images, beaucoup plus les sources, où je me baladais entre la fiction et le documentaire, là, on a essayé vraiment d'être au plus proche des sources. Et je pense que le spectateur va s'en rendre compte. On est vraiment sur du document. On est vraiment sur des documents historiques. Et la recherche, c'est de faire l'histoire dans ce qu'elle peut avoir de plus chronologique possible, ou bien on additionne chronologie et thématique. On additionne chronologie et thématique. On a commencé une première version du film 1, comme c'est sur 2 siècles. Tome 1, c'est ouais, à peu près L'ère des empires. L'ère des empires. Voilà, ça s'arrête en 1970, peu après. Au moment où Nixon déclare la guerre contre les drogues, Richard Nixon, le président américain, et faire un film chronologique sur deux siècles, ça n'avait aucun sens et ça ne racontait absolument rien. Donc c'est forcément des thématiques. Quelles sont les thématiques ? Ben, dans le premier film, c'est l'ère des empires. C'est comment des empires, l'empire américain et l'empire britannique et les empires français vont utiliser la drogue pour étendre leur zone d'influence. Après la Seconde Guerre mondiale, pour lutter contre l'Empire soviétique. Une fois que la guerre est lancée, la guerre contre les drogues, le deuxième épisode, c'est l'ère des barons. C'est qu'en fait, la guerre contre les drogues va d'une certaine façon aussi nettoyer peut-être une certaine façon d'organiser le trafic, et c'est la naissance de très grandes fortunes localisées dans très peu de mains. C'est la naissance des grands cartels mexicains, colombiens. C'est le renforcement des triades en Asie et c'est la surpuissance de la mafia sicilienne Cosa Nostra dans le bassin méditerranéen. Christophe Bouquet, est-ce que vous acceptez de nous livrer quelques petits éléments avant qu'on ne découvre votre documentaire? Je pense notamment à cette femme qui semble être la première à faire du narcotrafic. Ah, la Nacha. Ignacia Rasso, alias la Nacha. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Bah, que c'est une des premières, on ne sait pas, les premiers, on ne sait pas qui sont, mais une des premières connues à avoir compris que la prohibition était une manne. Ça pourrait rapporter gros. Gros. Quand on n'a pas peur, écoutez, c'est simple. Il y a des choses, il y a des gens qui n'ont pas, enfin, qui considèrent que la vie a peu de valeur. Et à partir du moment où on l'accepte et qu'on est prêt à tuer pour s'en sortir soi-même, bon, bah, le champ des possibles est vaste. Est vaste. Où va-t-elle exercer? Elle va exercer dans la région historique de la création des cartels mexicains, dans la région du Sinaloa, qui est une région assez verdoyante où poussait le pavot à opium qui était utilisé pour l'industrie pharmaceutique américaine. Jusque dans les années 1910, et une fois que la prohibition de l'opium, de l'héroïne, frappe les États-Unis et le continent américain, je pense, eh bien, c'est la naissance des premiers groupes criminels. Mais ils se disent, il y a des consommateurs aux États-Unis qui vont être accros, il y a un marché, le marché il est minuscule. L'État en profite-t-il pour, au moment de la prohibition, pour détruire les plans et ils essayent. Ils essayent. Mais sauf qu'il y a une plasticité, une élasticité des trafiquants et des producteurs qui fait qu'on tape à un endroit, ça pousse et tout de suite à un autre endroit. Il y a une rapidité. Il y a tellement d'argent à se faire avec la drogue. À partir du moment où on veut avoir une armée, on a des ambitions d'indépendantisme, on veut vendre de la drogue, ça rapporte de l'argent immédiatement. D'autant plus quand elle est interdite. Bah bien sûr. Ça fait exploser les prix. Ça fait exploser les prix. Il faut corrompre énormément de personnes, il faut dégager des sommes folles et surtout le retour sur investissement. Il n'y a pas de marchandises qui rapportent autant que la drogue. On est à peu près sûr d'une chose, Christophe Bouquet, c'est que si on devait faire un micro-trottoir et demander au Pékin moyen quel est, à son avis, le premier narco-État, je pense qu'il ne trouverait pas tout de suite. Mais là, on le découvre dans votre documentaire que vous co-signez avec Julie Lerat. Quel est-il, ce premier narco-État? La Chine. Eh oui. Oui, la Chine. Est-ce que c'est le premier? En tout cas, dans notre film, c'est le premier. Dans l'histoire qu'on raconte et dans cet angle, dans comment on regarde et comment on observe la géopolitique, c'est le premier, oui, effectivement. Alors qu'on c'est comprenne. C'est le premier qui va utiliser l'argent de l'opium, le trafic, la vente d'héroïne pour bâtir une armée, récupérer des territoires et solidifier son pouvoir à l'intérieur de l'État, placer des gens au Parlement, enfin voilà. Mais on avait laissé la Chine en proie à un conflit d'importance avec l'Empire britannique. Comment on est passé de ce conflit-là au narco-État ? Dans le film, nous racontons qu'une fois que la Chine est à terre, que Hong Kong est cédé aux Britanniques et que les Britanniques créent HSBC, la première banque qui va utiliser, enfin qui va blanchir complètement l'argent de l'opium, bah pourquoi pas faire pareil ? Pourquoi pas, alors que l'économie est à terre, commencer nous aussi à planter du pavot et à fabriquer et à nous redresser. Toutes les colonies, tous les pays coloniaux qui sont dans des concessions installées sur le pourtour, sur la bordure de quelques territoires offerts à la Chine, par la Chine, que ce soit la France, la Hollande, tout le monde fait de l'opium à cette époque-là. C'est un marché florissant. Ils le font aussi. Mais sauf que le territoire est immense, les consommateurs commencent à devenir beaucoup trop nombreux. 13 millions de toxicomanes en 1906. Et la Chine fait marche arrière. Voilà. Mais des gens se sont implantés, ont compris que ça rapportait beaucoup d'argent. C'est un peu long à vous raconter comme ça, c'est pas très captivant, vaut mieux que les auditeurs regardent le film. Mais j'ai pas fini tout à l'heure parce qu'en fait il y a une troisième partie aussi. Là on s'est arrêté au baron, il y a la chute des barons, et la troisième étape en fait, le troisième film, on va se concentrer sur les lieux de production. Colombie, Mexique, Afghanistan. Et c'est aujourd'hui l'Afghanistan, premier producteur d'héroïne au monde, 80% de la production d'héroïne, Mexique et Colombie, pour la cocaïne. De ce point de vue-là, vous mettez l'Europe, et je pense évidemment à la péninsule italienne, à part, parce qu'on sait, notamment par les présences mafieuses des quatre principales mafias, que la violence y est permanente. C'est une préoccupation quotidienne. On ne peut pas comparer. Excusez-moi de vous couper la parole, mais je suis désolé. Mais on ne peut pas comparer l'emprise du narcotrafic sur le Mexique, qui va créer sur 10 ans... Peut-être on est à peu près à 100 000 morts, 30 000 disparus, avec 15 crimes de l'Andrangheta ou 7 crimes de l'Andrangheta dans le nord de l'Allemagne en 2007. Bon, c'est pas les mêmes échelles. Bien sûr, il y a l'emprise sur les marchés, il y a du blanchiment, il y a de la corruption, la Calabre est dévastée alors que c'est l'endroit où arrive une grande partie de la cocaïne en Europe. Bon, super. Mais on n'est pas sur les lieux de production. On est sur des hubs, des plaques tournantes, comme certaines régions en Afrique. L'Europe, c'est la même chose. Ça transite. Donc, la violence, d'une certaine façon, existe, mais elle est plus... Elle est épiphénomène. Peut-être moins visible, et plus épiphénomène. C'est horrible de dire ça, parce que des gens en souffrent. Mais c'est pas le Mexique qui... Pour l'instant, il n'y a plus... Personne ne peut dire le Mexique va s'en sortir et comment faire. Nous, on y est allé en tournage. On a vécu, on a senti cette violence. On sentait bien que les gens qu'on rencontrait étaient effondrés par ce qu'il se passait. Il y a même un intervenant de notre film qui est mexicain, qui à un moment sort de son rôle d'historien pour nous parler de sa vie et de son ressentiment au Mexique. Et voilà, ce n'est qu'une grande douleur. Et nous avons rencontré au Mexique un jeune homme qui s'occupe de déterrer les corps dans la région du Guerrero. En quelques années, il a déjà déterré avec l'association qu'il a montée 400 corps, parce que lui recherche son frère qui était capté par le narcotrafic. Son frère n'avait rien à voir avec cela. Mais c'est la violence que ça génère dans la périphérie de tous ces trafics. Au bout d'un moment, c'est même plus le trafic de drogue en soi. C'est la violence qui est générée, et la violence devient un commerce. Avec l'argent de la drogue, les FARC achètent des armes, des munitions, mais aussi des outils de communication qui leur permettent de synchroniser les différents fronts et d'entamer une progression fulgurante. Mais les FARC continuent les prises d'otages. Gouverneurs, députés, anciens ministres. Les FARC attaquent l'État colombien dans sa chair. Pour contrer la montée en puissance des FARC, en 1997, toutes les factions paramilitaires des grands propriétaires et des narcotrafiquants se rassemblent sous un commandement central. Une armée d'extrême droite de plus de 20 000 hommes, les Autodéfenses Unies de Colombie, tiennent tête à la guérilla marxiste. L'armée légitime du pays, elle, subit les embuscades des FARC. Ses soldats sont enlevés par centaines. Christophe Bouquet, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question de votre regard à vous après un tel travail, et peut-être aussi à celui de Julie Lera, avec laquelle vous avez co-réalisé ce film, sur le rôle des drogues dans les séries-fictions aujourd'hui proposées par les plateformes. La drogue prend une place importante, de plus en plus importante. Elle est soit l'objet même de sagas telles Narcos, ou elle est en arrière-plan dans une série comme The Nick, où on parle des premiers traitements dans les hôpitaux au tout début du XXe siècle, sans parler évidemment de Breaking Bad. Quel est votre regard à vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, quand même, est une forme de banalisation par l'entertainment du phénomène? Oui, peut-être. Pour une série comme Narcos, j'y vois plus une action de glorification de la DEA et des services américains qu'une banalisation. Pour d'autres séries, je suis désolé, je regarde pas assez les séries pour savoir comment tout ça s'organise dans la pensée. Oui, il y a sûrement une banalisation parce qu'échapper au monde dans lequel on vit n'est pas quelque chose de... Peut-être quelque chose de banal. Peut-être que l'usage des drogues, effectivement, on se rend compte que dans la jeunesse, j'ai pas les chiffres, mais le fait de prendre des drogues de façon récréative est quelque chose de complètement banalisé. Mais comme l'alcool, l'alcool est quelque chose de complètement accepté et qui est terrible aussi. Mais moins traité. Moins traité. Hein? Ouais, moins traité. Moins traité par la fiction. Parce que légal. Effectivement. Le bandit fait toujours recette. Comme à l'époque du cinéma, il y a une quarantaine d'années au cinéma italien qui glorifiait la famille des Corleone. Bon, si on regarde un peu derrière, c'était pas joli. Mais ces gens sont bien habillés, ils portent bien, ils traînent avec des juges. C'est un peu, d'une certaine façon, les narcos et la drogue raconte une revanche sociale. C'est la revanche des faibles sur les forts. Qui n'aime pas ça? Qui, devant sa télévision, un jour de détresse, n'a pas envie de ressembler à Félix Gallardo, à Pablo Escobar, n'a pas envie aussi, lui, d'avoir le monde entre ses mains et de dire « je claque des doigts, je fais ce que je veux ». Bon, pour l'heure, faut accepter de basculer dans la criminalité. Tout le monde n'en est pas capable, moi le premier. Dernière étape, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Parce que on va vous laisser là, à votre travail. Qu'est-ce que vous avez encore à finir? Là, on finit d'enregistrer les voice-overs, c'est-à-dire les comédiens qui posent leur voix sur les intervenants. Il y en a pas mal, non? Nous finissons l'étalonnage, image, avec Nicolas Perret, qui me suit depuis longtemps. C'est un gros travail, ça? C'est un travail dingue. C'est 2 siècles d'archives qui doivent être, on va le dire, restaurées. Parce qu'avec la numérisation, tous les fichiers perdent énormément de qualité. Presque toutes les images qu'on reçoit sont dégradées. Et donc, il lui faut les regrader. Les regrader pour que le film soit lisible. Vous l'avez vu, je suis quelqu'un qui monte le film et qui utilise énormément d'images. Et il faut que dans l'instant, l'image soit perçue, vue, comprise. Tout ça doit aider à porter le propos. Toute l'enquête qui a été faite par Julie Leras, toutes les interviews qui ont été mises en place, tout doit porter le propos pour que ce soit le plus lisible possible. À l'étage du dessus, il y a un mixeur qui travaille aussi à rendre tous les sons, toute l'organisation sonore du film le plus lisible possible, le plus audible. Voilà. Et là, on est en train de finir. Dans 4 jours, la série se termine. Et puis, je rentre avec ça sous le bras. Et la diffusion est courant mars. Voilà. Donc c'est les derniers moments. Vous êtes content du résultat? Pas encore? Ah si, je suis très très content. Je suis très très ému. On a réussi, je pense, avec Julie à atteindre nos objectifs. Se dire que nos premières discussions, quand on commençait à en parler ensemble, ce jeu de ping-pong qu'on a fait, elle et moi, depuis le début. Elle a fait un très gros travail d'enquête, hein, les premiers mois. Moi, je suis arrivé plus tard sur le projet. Et ça alimente nos discussions depuis 2 ans. Mais effectivement, il y a eu des choses qu'on a mis de côté, des séquences qu'on a tournées, qu'on n'a pas utilisées, des moments qu'on aurait bien aimé narrer de façon plus intense, plus dans la profondeur. C'est vrai qu'on balaye énormément d'événements, mais on est fiers de nous. Hein. On est fiers de... Je ne sais pas si les films sont bien, ça c'est encore autre chose. Mais on est très content. Moi, je peux me permettre de dire que oui. On est très content de les avoir terminés aussi, parce qu'on a vécu l'horreur. Enfin, moi, ça fait quand même 2 ans que je baigne dans le sang et voilà, l'avenir est pas radieux dans ce qu'on raconte. Mais le combat continue. On vous laisse à votre travail, Christophe Bouquet. Merci d'être passé au micro d'Histoire Vivante. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.